Chapitre 9e. Bien souvent, Adeline avait invité le père Rec à venir dîner à son cercle dans un de ses voyages à Paris. Mais les voyages du père Rec à Paris étaient rares. Il aimait mieux rester à Elbeuf à surveiller sa fabrique. Tandis que le fabricant de nouveautés est obligé de venir à Paris deux fois par an et d'y passer chaque fois 15 jours ou 3 semaines pour faire accepter par les acheteurs les échantillons de la saison prochaine, traînant chez les 40 ou 50 négociants draps qui sont ses clients, à sa marmotte, c'est-à-dire la caisse dans laquelle sont rangés ses échantillons. Le fabricant de Dralis n'a pas à supporter ses ennuis et cette grosse dépense de préparer à l'avance, pour la saison d'hiver et la saison d'été, 500 ou 600 échantillons dont il lui faudra discuter avec les acheteurs, chaque fil, chaque nuance, la force, l'après. Sa gamme de fabrication est beaucoup plus limitée et d'un coup d'œil, d'un mot, ses commandes sont faites ou refusées. Pour les recevoir, il n'est pas nécessaire que le chef de la maison se dérange lui-même. Le père Rec ne se dérangeait donc que bien rarement. Que serait-il venu faire à Paris? Ce n'était pas à Paris qu'étaient ses plaisirs, c'était à Elbeuf, dans sa fabrique, dont il montait les escaliers du matin au soir comme le plus alerte de ses fils. C'était dans son bureau à consulter ses livres. C'était surtout le jour des inventaires qu'il clôturait tout seul, quand il faisait comparaître devant lui ses fils et ses neveux, et qu'il leur disait en deux mots « Voilà ta part, Samuel, la tienne, David, la tienne, Nathaniel, la tienne, Nephtali, la tienne, Michel. Maintenant, allez travailler. » Cependant, un jour qu'une affaire importante réclamait sa présence à Paris, il s'était décidé à partir. Par la même occasion, il verrait Adeline et ce fameux cercle dont Michel parlait si souvent. Vers 6 heures, il alla attendre Adeline à la sortie de la chambre. « Je viens dîner avec vous à votre cercle. » Bunou, chargé de son portefeuille qu'il traînait à bout de bras, accompagnait Adeline. La présentation eut lieu en règle, et le père Rec exprima toute la satisfaction qu'il éprouvait à connaître un député dont il avait lu si souvent le nom dans les journaux. Ordinairement, ce n'était pas un bon moyen pour mettre en belle humeur Bunou que de lui parler des journaux, tant il s'était moqué de lui. Mais la physionomie ouverte du père Rec et son air bonhomme effacèrent vite la mauvaise impression que ce mot « journaux » avait commencé à produire. Ce fut en s'entretenant de choses et d'autres qu'ils gagnèrent l'avenue de l'Opéra. Quand, en montant le grand escalier, Adeline vit les regards étonnés que le père Rec promenait autour de lui, sur les revêtements de marbre aussi bien que sur la livrée fleur de pêcher des valets de pied, il sourit intérieurement, comme si ce luxe lui était personnel et devait éblouir le futur oncle de Berthe. « Voulez-vous que je vous montre nos salons ? » dit-il en entrant dans le hall. Je n'avais aucune idée de ce qu'est un cercle, c'est très beau. » Dans chaque salon, le père Rec, après avoir promené partout un regard curieux et tâté le tapis du pied, en homme qui connaît la qualité de la laine, répétait à mi-voix, pour ne pas troubler l'auguste silence de ces vastes pièces, « C'est très beau. » En attendant le dîner, ils se retirèrent dans le cabinet d'Adeline avec Bunou et quelques commerçants qui connaissaient le père Rec. Comme ils étaient là à causer, M. de Chelus s'entra et s'arrêta à la porte pour écouter le père Rec qui lui tournait le dos et soutenait une discussion contre Bunou. « Ah, dit M. de Chelus s'avançant. « Il me semble reconnaître l'accent de mon ancien département. « Monsieur le comte de Chelus, ancien préfet de Strasbourg, dit Adeline, M. Rec de la maison Rec et d'Eps. » Mais le père Rec n'aimait pas qu'on le plaisantât sur son accent. « Oui, monsieur, dit-il en venant à M. de Chelus, je suis alsacien. Ou si je ne suis plus, ce n'est pas ma faute. C'est celle de certaines personnes. Je suis fier de mon accent, et je voudrais en avoir davantage pour hisser haut le drapeau de mon pays. » Puis s'adoucissant, voyant M. Chelus un peu effaré, « Malheureusement, l'habitude de vivre toujours maintenant avec les Normands l'a beaucoup atténué, comme vous pouvez le voir, et je le regrette. L'accent messait le fumet du bon vin. Voudriez-vous des pâtés de Strasbourg qui ne sentissent rien ?»« Certes non, dit M. de Chelus, qui ne se fâchait jamais de rien ni contre personne. » À table, le père Rec répéta son même mot en ne lui faisant subir qu'une légère variante. « C'est très bon. Vraiment, pour le prix, c'est très bon. » Et comme il ne soupçonnait pas les mystères de la cagnotte, à un certain moment, il ajouta « C'est vraiment une belle chose que l'association. Quel miracle elle produit. Je n'aurais jamais cru, moyennant une cotisation de 100 francs par an, on pouvait jouir de ces beaux salons et de cette bonne table, avec des domestiques bien dressés et tout ce luxe. » Mais quand le soir il vit dans la salle de baccarat les sommes qui se jouaient en 2 ou 3 minutes, il commença à changer d'avis sur les cercles. C'est vrai, demanda-t-il à Adeline, que ces plaques de nacre valent 5 000 francs et 10 000 francs. Parfaitement. Mais c'est une abomination. Si les joueurs mettaient 10 000 francs en or sur le tapis, ils y regarderont 2 fois à 10 fois. Ces plaques, ça glisse des doigts comme les haricots de ceux des enfants. Et je vois des commerçants à cette table, des gens qui savent ce que c'est que l'argent gagné, c'est une honte. Adeline, qui jusque-là avait été ravie des émerveillements du Pérec, voulut changer la conversation qui menaçait de prendre une mauvaise voie et de conduire à un résultat complètement opposé à celui qu'il avait espéré au commencement de cette visite. Mais on ne changeait pas le cours des idées du père Eck, pas plus qu'on ne le faisait taire quand il voulait parler. Il continua. « Je dis que le jeu ainsi compris est une honte. C'est une spéculation, non une distraction. Ils jouent pour gagner, non pour s'amuser entre honnêtes gens. Et voyez quelle vilaine figure ils ont, comme ils sont pâles ou rouges, comme ils grimacent. Tous les mauvais instincts de la bête se marquent sur leur visage. Allons-nous-en. » Mais Adeline ne voulut pas le laisser partir sur cette mauvaise impression. S'il fut bien aise de quitter la salle de baccarat, où cette indignation d'un puchotier, beaucoup plus puchotier que lui encore, était née, il manœuvra pour que le Pérec ne quittât pas le cercle dans cet état violent, et après lui avoir fait traverser les salons des jeux de commerce où quelques membres jouaient tranquillement, silencieusement, en automate, au whist et à l'écarté, il le conduisit dans son cabinet, où Bunou-Bunou, bien chauffé et bien éclairé, répondait scrupuleusement, comme tous les soirs il le faisait, aux 20 ou 30 lettres de solliciteurs qu'il avait reçues dans la journée. « Et c'est pour cela qu'on fonde des cercles ?» dit le Pérec, en s'asseyant devant la cheminée. « mais non, mon cher ami, le jeu n'est qu'un accessoire, qu'un accident, et ce soir particulièrement, la partie a pris un développement insolite. » Et Adeline expliqua dans quel but autrement plus élevé leur cercle avait été fondé. Malheureusement, il fut interrompu dans sa démonstration que le Pérec écoutait sans paraître bien touché par M. de Chélus qui entra en riant. « Il se joue en ce moment une comédie qui aurait bien amusé M. Eck s'il en avait été témoin, » dit-il. « Quelle comédie ?»« Le comte de Sermizel vient de perdre 12 000 francs. Où les avait-il eus, me direz-vous ? Je n'en sais rien, mais enfin il se les était procurés, puisqu'il les a perdus. Alors, convaincu qu'il va rencontrer une série, il cherche 5 louis seulement pour l'entamer. À la caisse, brûlé. Auprès d'Auguste, brûlé. Auprès de tous les garçons, brûlé, archi-brûlé. Si bien brûlé, qu'il ne trouve même pas 1 louis. Ou bien on ne lui répond pas, ou bien on ne le fait qu'avec les refus les plus humiliants. Il ne se rebute pas, tout le personnel y passe, il fallait voir ses grâces, ses sourires, ses chatteries, et devant les humiliations, son impassibilité. Averti par Auguste, je suivais son manège. C'est la comédie que j'aurais voulu que vit M. Eck, et j'en ris encore. Enfin, il tombe sur une bonne âme, ou sur un mauvais plaisant, qui lui dit que le chef a de l'argent. Et voilà mon comte qui, par l'escalier de service, se précipite à la cuisine. Il y est, en ce moment. « Est-ce possible ?» s'écria le père Eck en levant les bras au ciel. « Vous ne connaissez pas le comte. Le jeu est dans son sang comme dans celui de toute sa famille. Son frère, qui d'ailleurs ne s'est pas ruiné, était si foncièrement joueur qu'il ne prenait même pas la peine d'administrer sa fortune. À sa mort, on a trouvé chez lui des tas de titres d'obligations de chemin de fer, d'emprunt, avec tous leurs coupons. Pour que se donner le mal de détacher ses coupons avec des ciseaux quand on fait des différences de 30 ou 40 000 francs toutes les nuits. Vous comprenez si la race est joueuse. Enfin, pour le moment, le comte est aux prises avec le chef et tâche de l'amadouer. Venez voir sa rentrée, qu'il ait ou n'ait pas obtenu d'argent, elle sera curieuse. Quand ils entrèrent dans la salle, le comte n'y était pas, mais presque aussitôt, il arriva allègrement, gaiement, et il courut à la caisse. Sur la tablette, il déposa un tas de pièces de 5 francs, de 2 francs, de 50 centimes et même une poignée de gros sous. « Il y a 100 francs, » dit-il, « donnez-moi un jeton de 5 louis. » Et vivement, il courut à la table, le croupier annonçait justement une nouvelle taille. « Messieurs, faites votre jeu. » Sans hésitation, un homme qui poursuivit une idée, le comte plaça son jeton à gauche. Il était radieux, sûr de gagner. Et en effet, il gagna. Il laissa sa mise doublée et gagna encore. Puis encore une troisième fois. Mais cela n'avait plus d'intérêt pour le père Eck, qui n'avait nulle envie de passer la nuit à regarder jouer. Il en avait assez, il en avait trop. Adeline le reconduisit à son hôtel rue de la Michaudière et promit de venir le prendre le lendemain matin pour une course qu'ils avaient à faire ensemble. Adeline fut exacte et il trouva le père Eck sous la porte l'attendant. Comme c'était au palais royal qu'ils allaient, Ils descendirent l'avenue de l'Opéra, et en passant devant son cercle, Adeline voulut entrer pour donner un ordre. Dès la porte cochère, ils entendirent un brouhaha de voix qui partait de l'escalier du cercle, et à travers les glaces de la porte contre laquelle il était adossé, ils virent un homme, en veste et en calotte blanche, un cuisinier, évidemment, qui pérorait avec de grands mouvements de bras, barrant le passage au comte de Sermizel, défait, exténué, qui voulait sortir. Que signifiait cela? Ce fut ce qu'Adeline se demanda. Mais il n'y avait pas plus moyen d'entrer que de sortir. Le cuisinier obstruait solidement le passage, et d'ailleurs, il ne voyait pas son président, à qui il tournait le dos. Autour de lui et du comte, il y avait une confusion de gens qui criaient ou qui riaient, des membres du cercle, des croupiers, des domestiques. À ce moment, dans la cour parut Auguste, qui était descendu par l'escalier de service. « Que se passe-t-il donc ?» demanda Adeline en allant à lui vivement. « Monsieur le comte de Sermizel avait emprunté hier 100 francs au chef. Il a gagné 125 000 francs avec, mais il a tout perdu et il ne lui reste pas un sou pour rembourser Félicien, qui ne veut pas le laisser partir. « Vous m'avez donné votre parole d'honneur de me rendre mon argent ce matin !» hurlait Félicien. « Et vous voulez filer, vous ne passerez pas !» Adeline frappa la glace de façon à se faire ouvrir, et mettant 5 louis dans la main du cuisinier. « Laissez sortir, monsieur le comte, dit-il, et vous-même, quittez le cercle à l'instant. » Quand il reprit sa route avec le père Rec, ils marchèrent côte à côte assez longtemps, sans rien dire. À la fin, le père Rec prit le bras d'Adeline. « Mon cher monsieur Adeline, je sais qu'on n'aime pas les conseils, qu'on ne te manque pas. Pourtant, je vous en donnerai un. Croyez-moi, laissez ces gens-là à leur plaisir. Ce n'est pas la place d'un brave homme comme vous. » Vous serez mieux dans votre famille. Si nous avons un peu réussi dans la vie, c'est par les liens de la famille. C'est en étant unis, c'est en nous serrant. Et c'est pas seulement pour la fortune que la famille est bonne. »